fait du sale. Et je compte le béné, je compte le béné, je compte le béné. Je fais du sale. Et je compte le béné, je compte le béné, je compte le béné. Elle veut de la Marie, Marie, Marie, oh Marie. Elle veut de la Marie, Marie, Marie, oh Marie. Elle veut de la Marie, Marie, Marie, oh Marie. Elle veut de la Marie, Marie, Marie, oh Marie. Je sais que t'es plus nerveuse. Depuis j'ai commencé la S. Y'a 4 ans que je peux faire confiance. Vers 16h des ainsi sachets. Bébé, je te promets des vacances. Mais en ce moment au quartier c'est chaud. Faut que j'arrive à sortir de la mer. Te ramener au bord de la mer. Je reviens Paname, ils ont tout soulevé. Faut que change de lock. Faut que j'aille faire la mise à jour de la feuille de compte. Sans permis au volant du Golf 7 tout blanc, toi ouvrant. Avec 10 pièces de frappe ici, me sous le tapis. J'fais du sale. Et j'compte le béné, j'compte le béné, j'compte le béné. Pour plus de 100 kills de S. Bébé, je peux pas bouger pour l'instant. Donc il va falloir que t'attends dans chaud. Je suis dans la A3 avec des armes et de la côte. Dans une baraque ou dans toutes les pièces, y'a de la dose. Je suis capuché dans l'auto, prêt à commettre un délit. Regarde ce que je suis, à défaut d'être un bandit. Je fais du sale. Et je compte le béné, je compte le béné.